Bonsoir. Salut. Voilà, bonsoir. Vous vous trouvez donc sur l'émission Anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h. Notre adresse est toujours le 365A, chaussée d'Aldenberg, 1199 de Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre, est le 02 344 58 55. 02 344 58 55. Je vais dire, comme notre ami Hachou, c'est le numéro du standard. Le numéro du standard est le 02 344 58 55. Voilà, donc ce soir nous avons une émission avec notre ami Léo, enfin. Bonsoir Léo. Bonsoir. Voilà, Léo qui fait partie de nos groupes, de notre sphère aussi, mais qui vient pas très souvent à la radio, donc on est content qu'il soit venu ce soir. Voilà. Donc il va revenir avec un reportage tout frais. Il a une petite famille. il va venir avec un reportage tout frais de Notre-Dame-des-Landes. C'est ça ? Ouais. Oui, c'était 3 jours. Ouais. Où il a été 3 jours là-bas, où il se passe des choses pas très jolies là-bas. Et puis, on va essayer de parler aussi de ce qui s'est passé dans les années 67, 68, 69, je ne sais pas exactement, mais du côté de Berlin. Voilà. Ouais. Je viens le mettre aussi dans un contexte plus global. Hein, ouais. Surtout les États-Unis, je trouve ça intéressant aussi. Ça va. Connu un peu, je trouve. Ok, bah c'est toi qui fais l'émission de toute façon. Pas tout seul, hein. Non, mais on peut te poser des questions. Donc, nous avons Axel qui est là pour la discothèque, Hans qui est là pour poser des questions, s'il veut, et peut parler aussi, parce qu'il parle beaucoup aussi. Merci beaucoup. Et notre ami Serge à la technique, bonsoir. Voilà, donc on passe à un petit morceau de musique. Alors, on va passer. En fait, c'était vraiment 68. C'est, comment s'appelle, j'arrive pas... Janis Joplin, avec The Big Company and Holding Company, et c'était très très très bien. Four gentlemen and one great, great roar. Big Brother. We'll be right back. Alors, c'était Janis Joplin en 68. Alors maintenant, on va vous passer un Américain qui s'appelle Dr. Jones, qui vient de la Louisiane. Il a fait des tas de choses en Louisiane. Et c'est un musicien assez extraordinaire parce que il a joué du piano, il a joué plein de trucs. Il a joué beaucoup de country, mais dans l'année 68, il a fait du rock'n'roll, mais vraiment du bon rock'n'roll. Et on va vous passer, ça s'appelle Hollywood. Je prends mes lunettes, je vais vous dire ça. Got all that stuff. Hear that meditation on that FM station. Man, yeah, talk about some teeny boppers, bangle boppers. Yeah, look at them traffic stoppers. Yeah, they gon' take your mind. Thy kingdom coming. Thy will be done. Earth like it is in Hollywood. Ooh, my darling, look at this flower. I got to hitch a ride with this little up-and-coming superstar. I'm gonna get on board wherever you are. Get that limousine all lined and green and get down with class to see Pauline. Yes, you will. Look at that, massage parlors, oh, silver studs and vibrators, they sell them on the street, you know. Hey, wait a minute. Every little weed seems to have a little reed, but not only the women's lead when it's down to 7 seed. Alors voilà, c'était Dr. Jones, un vieux, mais c'est vraiment vieux, hein, cette boîte de 60. Je pense que c'est 70 en fait, c'est pas 68, c'est 70. Voilà. Alors maintenant, on va vous passer Rio Grande avec ZZ Pop. Et c'était, je peux pas dire que c'est vraiment 68, c'est peut-être 60 ou 70. Et je voulais faire une remarque. Jusqu'à la fin de l'année, on vous fera 68, mais à ma façon. Si ça ne vous dit pas, bah vous nous envoyez, vous nous téléphonez et vous dites qu'on s'est gouré. Et de toute façon, ce n'est pas grave. On a fait ça et voilà. Et on pense qu'on l'a bien fait. Voilà, c'est à vous de juger. Salut, amusez-vous bien. Oui, donc c'est l'album qui s'appelle Rio Grande, mais la chanson s'appelle Francine. Francine. Et il y a un très très bon guitariste. Nous sommes de retour et on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, si on a invité Léo, c'était notamment parce qu'Axel avait envie de parler de mai 68, mais à l'extérieur de la France, par exemple aussi en Allemagne ou à Berlin. Il faut se souvenir du fait qu'à ce moment-là, il y avait deux Allemagnes. Il y avait l'Ouest avec Berlin comme un sorte d'îlot à l'intérieur de l'Allemagne de l'Est. Et la contestation s'est surtout jouée du côté ouest et à Berlin. Mais je pense que c'est un peu artificiel, en fait, de se limiter à mai 68, parce qu'en France aussi, bien sûr, mais surtout en Allemagne, en fait, c'était un moment dans un mouvement était déjà en cours depuis un certain moment. J'irais même plus loin, même seulement au niveau, il faut voir les choses globalement, mais aussi contextualiser dans les temps, parce que là maintenant, ok, on a 50 ans de mai 68, et il y a des expositions tout à fait officielles, il y a un truc, les Alsingéries, révoltez-vous, et c'est un peu, des fois c'est un peu bizarre comment on essaye de réécrire l'histoire, et moi je pense que, au moins pour l'Allemagne, je dirais le 18, c'est une date qui a passé, ça fait 100 ans, et on cache un peu ça. En fait, 1918, tu veux dire. 1918-19, oui, la révolution allemande, ouais. Entre autres, oui, des spartakistes. Mais oui, c'est un large mouvement qui a commencé avec les marins qui s'avaient marre de la guerre, des femmes qui étaient dans... Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je trouve c'est intéressant qu'aussi on essaie de, avec une date étouffée, une autre. Ce qu'on a fait notamment aussi en Allemagne, beaucoup avec le 9 novembre. Vous savez tous, en Belgique, bon, il y a le 11 novembre. Je crois qu'il y a peu de gens conscients que le 11 novembre, l'armistice était seulement possible parce que les certains social-démocrates voulaient tout de suite, ils ont promis faire la guerre, paix tout de suite. Et c'est le 9 novembre, il y a eu la révolution en Berlin, et deux jours après, on a fait l'armistice. Donc c'est grâce à la révolution, en fait. Oui. Et donc ce 9 novembre, là, on l'a étouffé depuis 100 ans. C'est déjà les fascistes, hein, ils ont 23, ils ont essayé d'un coup d'État à Munich. Après 38, il y a le fameux pogrom. Et aujourd'hui, si on commémore le 9 novembre d'une manière critique, c'est plutôt on commémore les pogroms, mais très, très rarement la révolution. Mais c'est quand même la date initiale. Donc, juste, je voulais dire ça, si on parle de mai 68, il ne faut pas oublier qu'il y a tendance aussi à cacher d'autres éléments de l'histoire. Moi, j'ai beaucoup travaillé l'histoire et j'essaie de travailler des choses un peu cachées. Je dirais même, il y a une métaphore sur l'histoire. C'est qu'on nous montre à l'école, dans l'histoire officielle, c'est le top du iceberg. Le reste, on ne veut pas qu'on les sache. Donc, c'est ça que j'essaye de aussi peut-être montrer, c'est avec ce que je vais dire sur l'Allemagne. Je voudrais surtout mettre en contexte peut-être avec les États-Unis, parce que c'est quand même intéressant aussi qu'est-ce que s'est passé les années 60 aux États-Unis. Peut-être que je commence avec ça. Oui, si tu veux. Oui, c'est important parce que. Donc, et ouais. C'est pour ça que les Allemands étaient très proches des États-Unis. C'est une petite chose que je dis. C'est qu'en Allemagne, il y avait énormément de soldats américains sur le sol allemand. C'est-à-dire qu'il y avait des bases entières. Tout à fait. Et c'était surtout pour la guerre du Vietnam. C'est la base arrière. Ça jouait aussi un rôle. Je vais revenir sur ça. Les contacts entre les étudiants. Mm-hmm. Ça s'est passé en Hollande, d'ailleurs, aussi. C'était très important, l'Hollande, pour ça. Mais surtout, aussi en Allemagne, il y avait beaucoup de coffee shops où les GI, qui avaient marre de la guerre du Vietnam, pouvaient se renseigner comment sortir de l'armée, comment se cacher. Mm-hmm. Il y a eu des révoltes très fortes à Heidelberg. J'ai même rencontré un monsieur qui était au Vietnam, qui m'a parlé. Je m'ai montré un livre, une photo d'une prison des soldats. Très, très affreuse. En Allemagne, à Heidelberg, il a dit, j'ai connu ça, il était là-dedans. Et c'était des prisons vraiment avec des conditions affreuses. Et donc, des fois, il y a eu des révoltes. Donc, l'Allemagne jouait tout à fait un rôle très important comme base arrière pour les États-Unis. En même temps, on disait, oui, c'est les grands frères. Mais il y a aussi eu quand même, disons, des côtés positifs, des influences, des styles, des mouvements, des sit-ins, des civil rights movements, surtout les civil rights movements, les idées comme finalement les Black Panthers, aussi les étudiants blancs qui sont engagés, ça a influencé beaucoup l'Allemagne de l'Ouest parce que c'était comme les grands frères, c'était vu comme des grands frères. Mais je vais peut-être parler de, c'est marrant, il y a deux STS aux États-Unis, comme en Allemagne, ils sont tout à fait différents, mais quand même, ils ont les deux joué un rôle très important dans les mouvements des étudiants. L'un aux États-Unis, c'est les Students for a Democratic Society, qui se sont fondés en 1960, et le STS en Allemagne de l'Ouest, c'était les Socialistische Deutsche Studentenbund, donc qui se voyaient socialistes. Soi-disant, c'était l'organisation de jeunesse des social-démocrates, mais souvent, ils allaient beaucoup plus loin. Il y a eu des frictions très, très fortes avec les social-démocrates. Eux, ils ont joué un rôle très important, très déterminant, en Allemagne de l'Ouest. Commençons peut-être avec les Students for Democratic Society aux États-Unis, ils viennent d'où dans les détails, je sais qu'ils se sont créés en 1960. Comment ça s'est passé, quelle ville, je ne peux pas les dire exactement, mais ce que je trouve intéressant, en 1962, il y a eu une grande conférence Port Huron, et il y avait une déclaration qui était fondamentale pour eux, la déclaration de Port Huron, où ils ont déclaré clairement qu'ils sont en alliance avec les Noirs, les groupes de paix, et alors ils ont aussi décidé d'essayer d'influencer le Parti démocrate. Donc c'est un peu une parallèle entre les social-démocrates allemands qui sont poussés par le STS allemand, qui se voient soi-disant dits socialistes, et le STS des États-Unis. Donc c'était surtout des blancs, des étudiants blancs. Je pensais surtout des blancs, mais il y a eu... sûrement, surtout plus tard, là, on est 5 ans plus tard, 65, la Black Panther Party s'effondre. Hein. Et la Black Panther Party s'était vue comme la plus grande menace du jamais vue pour les États-Unis de l'intérieur. C'était une partie qui, finalement, ils ont tué, je crois, plus qu'une centaine des membres de cette partie, des militants, des fois dans leur lit, ils ont tué dans leur lit. Il y a une grosse programme de les traquer. Mumia Bajamal, qui est toujours en prison, c'est un de ses membres qui vit encore. Sinon, la génération est un peu en train de mourir. Voilà, et donc Black Panther Party d'un côté, et ils ont des fois aussi participé dans les occupations des universités, des actions, évidemment, contre la guerre du Vietnam. Donc il y a eu un essai des Blancs, ils ont dit, bon, les Black Panthers disaient, voilà, le Blanc, vous ne faites pas assez, vous ne comprenez pas le racisme, et vous devez bouger un peu plus. Et donc, comme contrepartie du Black Panther Party, il y a eu les Weather Underground. Donc c'est un peu un nom bizarre pour un groupe armée, disons. Weather Underground, ça vient de... Comment s'appellent les chanteurs? Bruce Springsteen? Non. You never know where the wind blows from? Vous connaissez cette chanson? Non, c'est Bob Dylan. Voilà, oui. C'est Bob Dylan. Donc, ils ont fait un pamphlet où ils disaient, voilà, on ne sait jamais d'où vient le vent, un peu une analyse politique. Et alors, le nom a collé. Alors, on a dit Weathermen. Il s'est devenu Weather. Et après, quand ils ont allé dans les underground, donc ils se sont commencé à se cacher dans la clandestinité, contre la répression, oui. C'est devenu Weather Underground. Ils ont fait énormément d'actions. Au début, beaucoup d'actions. Il y a eu un assassinat contre des Black Panthers. Ils ont répondu. Ils ont mis une bombe dans une grande multinationale. Ils ont fait beaucoup, beaucoup des attaques à la bombe. Et c'était vraiment un groupe très, très, très actif. Ils étaient des Blancs. Vraiment qu'ils ont dit, on est solidaire. Faut pas oublier, il y avait pas seulement les Black Panthers, il y avait le American Indian Movement en révolte. Aussi beaucoup de il faut penser, qui a fait le sale travail en Vietnam? Comme déjà Première ou Deuxième Guerre mondiale, c'était les soldats de couleur. Donc ils ont compris à un moment, voilà, c'est nous en fait, pourquoi on lutte là? On lutte pour les intérêts des Blancs américains. Donc on a plutôt intérêt à se solidariser en Vietnam avec les Vietnamiens. Et ça s'est fait, hein. Il y a eu même des unités entières qui sont passées de l'autre côté du Viet Cong. L'armée, à la fin de la guerre du Vietnam, était complètement cassée. Il y a par exemple, il y a eu un sport qui ça s'appelle le fragging. Et c'était quoi ce sport? Donc, imaginez-vous, quelque part dans la jungle au Vietnam, l'officier, dans sa tente, au front, il dit, voilà, demain à 5 heures, on attaque. Et ben, les GI, peut-être les Noirs, ils sont marre. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une grenade, ils la lancent dans la tente de l'officier et c'est fini. Fini avec l'officier. Après, ils se sont pu échapper du cours martial, tout ça. Il y a eu beaucoup de ce qui s'appelle le fragging. C'est une espèce de sport. Donc, on voit bien que l'armée était au bout du rouleau. Et donc, beaucoup de ces soldats sont revenus et ils ont continué à lutter dans les différents mouvements, soit American Indian Movement, ou les Porto Ricains, ou les Noirs, ou plein d'autres, les Chicanos, il y avait même des groupes de guérillas, je crois, des Asiatiques américains. Donc, c'était une époque où ça bouillonnait. Il y avait des centaines d'universités occupées. Mais ça commençait doucement les années 60, peu à peu, avec l'intensification de la guerre. Aussi, le mouvement s'est intensifié. Et c'est bien avant que s'est passé des choses, disons, à Berlin. Là, par exemple, voilà. Il faut savoir, 64-65, déjà, la guerre s'est très, très intensifiée avec, soi-disant, cette attaque du Tonkin. 200 000 soldats américains envoyés en Vietnam. Je crois qu'ils ont commencé à cette époque-là de refaire, comment ça s'appelle, quand on appelle tout le monde La mobilisation. Oui, mobilisation générale. Et donc, en même temps, voilà, plein de jeunes étaient touchés par ça. Donc, ils ont 65, la première manifestation contre Vietnam, c'était 15 000. Bon, c'est pas encore beaucoup. Mais c'est là où Malcolm X est assassiné, cette année-là, 65. Et la Black Panther Party fondée, qui dit, mais là, on ne les laisse plus faire. Et à la la fois, donc c'est Vietnam, à la fois c'est une mobilisation de minorités à l'intérieur. Et donc tout ça, ça a des répercussions, évidemment, comme j'ai dit, les grands frères en Allemagne, donc il y a, c'est intéressant, l'université, la FU, la Freie Uni, l'université libre des Valins, là c'est libre, pas dans les sens ici, libre des catholiques, c'est libre des communistes, parce que l'ancienne c'est au centre-ville, donc la Humboldt-Uni. Donc l'université libre se trouve à trois pas de, à l'époque, je crois qu'il y en a plus, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, les années 60, à côté il y avait des installations américaines, des soldats. Et donc il y a eu déjà à cette époque, ils commençaient, par exemple, ils mettaient sur un cours de tennis pour les soldats, pour, ils ont fait un grand drapeau du Viet Cong, ils l'ont taché, ils ont refait mille fois ce drapeau du Viet Cong, tant que quand les Américains voyaient bien, même s'ils étaient en train de se faire de la récré, ils voyaient les drapeaux du Viet Cong. Donc il y a des choses comme ça, on les embêtait tous les temps, les années 60 déjà. Voilà, donc la première manifestation à Berlin, c'est plus tard, si on met ça en parallèle, en 66, déjà il y a eu 100 000 manifestations à New York contre la guerre, et à Berlin il y avait 2500, ben, c'était la première, ça commençait. Et déjà peu après, 1er mai, la 67, il y avait 40 000 manifestants dans une manifestation de contestataires, à Berlin-Ouest, c'est quelque chose que ça n'arrivait jamais avant. Des fêtes, comme ici, on fait des fêtes avec des saucisses, avec les syndicalistes, il ne se passe pas grand-chose. Et là, c'était 40 000 qui faisaient une manifestation revendicative pour le 1er mai. Bon, c'est un peu dû à l'accélération des choses à cette époque, 67-68. Ouais, et puis après le 1er mai 67, très vite, on a en fait la visite du Shah de l'Iran, c'est ça, ouais, qui avait déjà été imposée par les anciens pouvoirs coloniaux par rapport à l'Iran, qui vient visiter Berlin de l'Ouest. Tout à fait. Et il y a une manifestation. Et c'est là, en fait, où se joue cette solidarité internationale très importante. Il y avait donc des Perses, des Iraniens en exil, qui, avec les SSDS, ils disent, il y a ce mec qui va dans la presse officielle, il dit, ouais, le Pacha avec sa belle femme, oh, c'est très joli. Donc toute la presse jaune, ils disaient, ouais, c'est un grand événement, c'est super, on va applaudir pour cette belle couple. Et alors les Perses, ils racontaient comment c'est vraiment la répression. Et en fait, je crois qu'il y a eu déjà, quand ils arrivaient, je ne sais pas si c'était l'aéroport, mais les jours même, le 2 juin donc 1967, il y avait une manifestation où, bizarrement, les SAVAK, donc c'était le service secret du Shah, ils avaient main libre par la police de Berlin-Ouest. Donc ils avaient des lattes, je crois c'est même des barres en fer de 2 mètres. Ils ont vraiment complètement cassé la gueule des étudiants, donc ils étaient hyper choqués. Et après, le soir, donc, est prévu dans les programmes que les chats et sa femme aillent à l'opéra et voir un opéra avec l'élite berlinoise de l'Ouest. Et là, il y a eu beaucoup d'étudiants qui se ramenaient. Et la police les a encerclés. Et un policier qui s'appelait Kouras, il a, de tout près, il a tiré son pistolet, il a tué un étudiant qui était déjà matraqué, était déjà par terre. On l'a tué avec, je crois, plusieurs balles dans la tête, de tout proche. Donc on peut se demander qu'est-ce qui se passe là. Là, je me demande aussi psychologiquement qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce policier. Ça fait une semaine qu'il a tué cette jeune Kurde près de Mons. Là, je ne sais pas pourquoi un policier de tout un coup tire en Belgique, mais là, à cette époque, et je pense que c'est assez clair. Ce policier-là, un peu plus que 20 ans avant, il s'est trouvé en Union soviétique. Et là, évidemment, là, il avait main libre totale. Il faut savoir, il y a eu des bataillons, des polices entiers qui ont fait des massacres. Ce n'était pas la SS, forcément. C'était l'armée ou des bataillons des polices. Donc, ce monsieur-là, Kouras, il avait probablement déjà abattu beaucoup de gens comme ça. Donc, à mon avis, il ne comprenait plus qu'il était à Berlin en 67. Il n'était plus l'Union soviétique en 44 ou quelque chose comme ça. Donc, il a eu un flashback. Il a dit, voilà, c'est encore un seul gauchiste bolchevique. Et je l'ai tué avec des balles dans la tête, comme je l'ai fait plein de fois. Donc, ça montre aussi contre qui cette génération était opposée. C'était l'ancienne génération fasciste. Mais ça, c'est aussi, je pense, une particularité, quoique on a parlé des États-Unis, on parle beaucoup de la France ou d'autres pays. Quel était l'impact, soi-disant, entre guillemets, de mai 68? Il y a des tendances qui sont pareilles, mais en Allemagne, il y a cette particularité qu'en fait, il y a cette génération qui est née, disons, juste avant ou pendant la guerre ou juste après, à, je sais pas, 20 ans, 22, 23 ans, et commence à se réaliser qu'est-ce qui s'est passé sous le nazisme, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration, et qui voit qu'il y a certains ex-nazis qui se trouvent notamment à des postes clés dans l'administration, dans la politique, et qui... Donc, cette tension-là, elle est particulière pour l'Allemagne. Ouais. Et je dirais, l'Est, c'est évidemment notre histoire, l'Est de l'Allemagne, mais l'Ouest, on a fait comme rien s'est passé, c'était dans l'école, on ne reprenait rien, on arrêtait l'histoire à l'école avec Bismarck, ou un peu plus loin, mais jamais, on ne parlait pas de fascisme. Donc c'était un thème complètement tabou pendant 20 ans. Et c'était cette génération qui finalement dit, mais qu'est-ce que vous... Nos parents, qu'est-ce que vous avez fait? Il y avait des mots comme « il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un à plus de 40 ans ». Pourquoi? Parce qu'il y avait le monsieur qui a l'air très gentil, qui passe devant toi, un monsieur pensionné. Peut-être c'est un pensionnaire de la SS qui a tué des milliers. On n'a jamais rien fait contre lui. C'était courant. Et alors, il y avait aussi toute la violence quotidienne qu'on frappait encore. Aussi, l'éducation, c'était sévère. Et donc, c'était vraiment une révolte. Oui, pas seulement intergénérationnel, mais contre cette génération, majoritairement fasciste. Et aussi, évidemment pour les femmes, c'était aussi à l'intérieur de cette lutte, il y avait la lutte des femmes qui aussi, comme on prenait, par exemple, il y avait la conférence de Vietnam, alors les mecs discutaient, et les femmes s'est trouvées dans une salle dans l'université à donner le vibrant à leur bébé. C'est quoi ça? Pourquoi les mecs discutent et nous, on est dans cette salle? C'est là, dans cette salle-là, qui a commencé l'organisation des femmes qui se sont dit, on a marre de faire... Donc ça, c'est aussi un élément, mais bon, je viens de... on est sur la question du fascisme, et peut-être on reste là d'abord. Je pourrais donner des exemples. Par exemple, il y a eu un président, vous savez, il y a les chanceliers qui ont la fonction politique, donc c'est maintenant Madame Merkel, comme vous le savez, et il y a le président qui a un rôle un peu comme les rois en Belgique, c'est quelqu'un qui un peu doit représenter, doit représenter, soi-disant, tout le peuple, doit être un peu plus neutre, soi-disant. Donc on avait un chef d'État qui s'appelait Lübcke. Et lui, il avait construit comme architecte des camps de concentration. Et ça, c'est tout à fait normal. C'était tout à fait normal en Allemagne de l'Ouest. Ou il y en avait un autre. Vous savez, chaque land, normalement, un gouverneur, un ministre-président. Donc, le ministre-président de Baden-Württemberg, quand même un des grands pays, très riche, avec Mercedes-Benz et Porsche et tout ça, beaucoup d'industries. C'était Filbinger. Hans Filbinger, il était juge. Pendant les fascismes, il a jugé et condamné à mort une douzaine, toute une série de gens qui n'ont pratiquement rien fait. Il y a eu un cas, quelqu'un qui a un travailleur, un prisonnier soviétique, il crevait de faim, il a volé un pomme. Lui, il a condamné à mort pour avoir volé un pomme. Donc ce monsieur-là, il était chef d'État. Et c'était normal. Tout ça. Donc, je pourrais citer plein d'autres exemples, mais c'était très, très choquant. C'est cette génération. Et c'est fait que ce policier Kouras a tué ce jeune étudiant. D'ailleurs, c'est un étudiant de 19 ans, Benno Onessor, qui était étudiant de théologie, quelqu'un tout à fait pacifique. Et donc, ça exploser les choses, parce qu'il a doublement disait, ça aurait pu être moi. Donc, il y a des milliers d'étudiants partout et ils se sont révoltés. Donc, ça a plus tard donné le mouvement de juin, en commémoration de ce 2 juin 1967. C'était un mouvement clandestin armée. Voilà, on pourra la rater ça après. Oui, je propose qu'on passe un peu de musique. Ouais, parce ouais. que c'est quand même très dense comme, comme matière. Ouais. Et comme ça, on mange un morceau de pizza peut-être. Sur le mouvement du 2 juin, hein, donc, qui s'était inspiré de l'événement de la manifestation le 2 juin où cet étudiant avait été tué. Voilà, et donc parce qu'il y a eu 67, 68, mais puis ça a continué presque jusque dans les années 90, en fait, ce genre de mouvement. Tu peux nous expliquer un peu cette histoire ? Oui, donc voilà, c'est le 2 juin 67 qui a créé une chorale dans les universités. Donc ça a beaucoup accéléré les protestes contre le Vietnam, mais mouvement général anti-autoritaire, disons. Bon, il y avait différents courants, évidemment, il y a des groupes marxistes-léninistes. Le parti communiste illégalisé à l'Ouest était recréé à cette époque aussi, donc... avant, c'était la KPD, ils ont créé la DKP, qui existe d'ailleurs encore. C'est la seule partie qui est toujours plus ou moins stalinienne. Elle était créée à ce moment-là, 68, je parle. Donc voilà, il y a quand même des courants, disons, aussi trotskistes. Maoïstes, notamment, bien sûr, plus autoritaires. Il y avait une large... l'éventail des groupes anti-autoritaires, anarchistes ou autres. Et après, des fois, c'était pas si défini. Ils n'étaient pas dans la FAU, par exemple, si vous voulez. Une organisation anarchiste était plutôt un peu fluctuante. Par exemple, la Berlin-Ouest, dans Berlin-Est, il faut expliquer, la Berlin-Ouest, comme dans une, c'était à l'époque comme une île dans l'Allemagne de l'Ouest, une espèce de vitrine de capitaliste vers l'Est. Et donc, pour l'élite, c'était très choquant de tout un coup qu'ils voient des drapeaux rouges, même avec... Rosa Luxemburg et Olive Knecht, comme vous voyez, à l'Est, mais jamais à l'Ouest. Donc c'était un choc total. Il y avait une énorme agression contre les itinérants. C'était quand même, je crois, assez... Bon, les jeunes, non, mais la vieille génération, ils avaient une haine énorme contre les étudiants. Donc il y a eu plus tard, en 68, une attaque au pistolet un des leaders, Rudi Dutschke. En fait, déjà la presse a préparé ça, ils ont fait une énorme campagne contre les étudiants, contre les STS, donc des socialistes, le groupe un peu cœur du mouvement. Alors, le 11 avril 68, on l'a tiré sur lui. Bon, il n'est pas mort, mais après, il ne pouvait plus parler très bien. Il est mort, je crois, 10 ans après, dans sa baignoire, avec une attaque épileptique. Ils l'ont quand même plus ou moins fini avec lui. Mais 10 ans après, c'est vraiment, il est mort. Donc, il y a eu ça. Il y a quand même une rue à Berlin, Rudi Dutschke. Oui, tout à fait. C'est intéressant. C'est la Bild-Zeitung. Donc, c'est ce journal-là qui était vraiment, qui était à des moments, les années 50, financé carrément par le CIA. C'était vraiment un journal des francs. Il y a eu aussi un meurtre. On a tiré, ils ont une espèce de gratte-ciel juste devant les murs, hein, juste devant l'Allemagne de l'Est. Donc il y avait des soldats qui se promenaient, des jeunes soldats de l'Est. Il y a eu un attentat et un tireur qui a tiré de ces bâtiments-là. Il a tué un jeune garde de la frontière qui faisait son service militaire. Donc ça, c'était aussi la réalité de Berlin, Est et Ouest. On tirait sur ce soldat et la police, les juristes, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais trouvé ce mec qui a tiré, mais il a tiré le bâtiment du Bild. Donc Bild, c'était vraiment... À un moment, il y avait une haine énorme contre Bild-Zeitung. C'était une revue, oui. Il y avait des actions. Ouais. On a brûlé partout en Allemagne et l'Ouest les journaux de Bild-Zeitung. Il y avait une grande campagne de boycott. Et c'est Bild-Zeitung, évidemment, qui a appelé à la meurtre de Dutschke. Donc tout le monde, après que Dutschke, on a tiré sur Rudi Dutschke, c'est là, partout en Allemagne, ils attaquent Bild-Zeitung. Vous savez bien, c'est la Bild-Zeitung, c'est le journal qui est responsable. Donc c'est un peu un affront. On a d'un côté de la rue, on a le bâtiment de la Bild-Zeitung, toujours avec... Je crois que la rue s'appelle Axel Springerstraße, donc le chef, l'ancien chef du journal. Et de l'autre côté, ça s'appelle Rudi Dutschke Straße. Donc c'est vraiment, il y a les deux noms qui se croisent. Et voilà. C'est... Mais il y a une anecdote que je voudrais dire. Il y avait le mur et il y avait, comment ça s'appelle, bon, les povos, c'était un débat. Non, les provos, c'est autre chose. Oui, non. Les povos. Les povos, Vopos. Vopos, la police voilà. De l'Est, oui. Et alors, il y avait un truc extraordinaire, il y avait le mur comme ça, et les gens de, comment ça s'appelle, de Berlin-Ouest avaient fait une estrade pour que les touristes américains tire la langue au povo. Ça, je trouve ça extraordinaire, quand même. De la connerie humaine, quoi. Oui, mais il y a, eu beaucoup de choses délirantes. Berlin Ouest, bon, c'était ville de... on parlait du front, une ville de la front vous savez bien, ça a dégénéré jusqu'à des chars des deux côtés sur Friedrichstrasse, américains, soviétiques, avec la crise de Cuba. Donc des fois, cette guerre froide était devenue très très chaude et on était tout près d'une guerre nucléaire, on le sait maintenant. Donc, d'ailleurs aussi, à cette époque, les étudiants aux États-Unis, ils ont empêché une guerre nucléaire, mais pas en Europe, au Vietnam. Ouais. Au Vietnam, 69, c'était prévu. Ils disaient, voilà, on ne va plus gagner la guerre, mais au moins, on va annihiler complètement le Vietnam. Donc, on va utiliser des bombes nucléaires. C'était vraiment prévu. Et c'est seulement une énorme manifestation anti-guerre qui a empêché ça. Donc, on peut vraiment dire, heureusement, de un côté, du mouvement du Viet Cong, de la résistance farouche des Vietnamiens, mais aussi des étudiants des gauches, soit blancs, soit noirs, soit d'autres couleurs, qui ont empêché le pire. Oui, mais il y avait quand même... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Europe, moi j'ai vécu ça quand j'allais manifester à Londres, à Hanover Square. C'est là où il y avait l'ambassade américaine. On tournait autour pour protester. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que dans le monde entier, les gens protestaient contre cette guerre qui était considérée par nous, effectivement, mais par plein de gens en disant non, on ne peut pas, quoi, parce que c'était... y a eu des photos Et ça a fait un choc. Je me souviens, il y a une photo. On voyait une petite fille toute nue qui était, comment ça s'appelle, dans un truc pas possible. Brûlée par les napalms. Les bombes du napalm. Une fille brûlée, en fait. Et c'était extraordinaire de cette mouvance qu'il y avait, comment ça s'appelle. Et Jimi Hendrix a fait un truc extraordinaire, mais je ne l'ai pas amené. Le prochain, je vous l'amène. Où il a fait tout un truc à la guitare électrique, où on entend les bombes, c'est lui qui fait les bombes sur le Vietnam. Et c'était ce qui était absolument délirant, c'est que tous les Occidentaux ont, comment ça s'appelle, occidentaux, gouvernementaux, qu'ont supporté cette guerre du Vietnam. Vraiment, c'était l'horreur, quoi. Ils ont supporté que ça soit les Belges, les Hollandais, les Anglais, les Australiens, les Danois, les Finlandais et tout. Ils ont supporté cette guerre. Et à part... il y avait quand même cette jeunesse qui était, de gauche, qui a, s'est révoltée contre cette guerre. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et c'est vrai qu'en Allemagne, ça a été très, très, très, très fort. Comme en Angleterre, mais dans tous les autres pays, que ça soit au Danemark, en Hollande, ils ont été très forts. Mais voilà, ça ramène peut-être à cette histoire qu'il y a eu cette liaison entre l'armée américaine et en base arrière, en Allemagne-Ouest, aussi en Pays-Bas, les Provos, ils ont fait beaucoup aussi pour aider aux GI qui voulaient s'échapper, aller en Suède, je crois, surtout. Il y avait une route. Des déserteurs. Et il y avait beaucoup de soi-disant coffee houses partout, en Heidelberg, en Francfort, toutes les villes militaires. Il y avait des coffee houses, donc c'était un espace souvent soutenu par des étudiants, par des gens de la gauche allemande de l'Ouest, qui aidaient aux soldats de d'abord prendre un café et après se renseigner comment s'échapper de l'armée. Parce que c'était des fois des gens, peut-être ils revenaient du front, ils étaient décidés à s'échapper, mais ils ne savaient pas comment. Et donc c'était très important ces coffee houses. Donc il y avait aussi ce qu'on appelle les stockades, cette espèce de prison. Je crois qu'il y avait une à Heidelberg, il y avait plusieurs en Allemagne avec des conditions extrêmement dures où des gens qui se sont confrontés aux francs, qui l'ont rattrapé. Beaucoup n'ont pas pu rattraper, comme j'ai raconté des fracking là. Mais ceux qu'on a rattrapés, on les a mis dans ces stockades, dans une prison spéciale, Heidelberg et autres. Et donc, on les a vraiment, des fois, je crois, il y a eu ils ont été tabassés et tout. Ouais, ouais. Et aussi des pharmas, comment on dit, des produits chimiques qu'ils ont pour les. Ouais, des médicaments. Ouais, des médicaments. Bon, c'était très dur. Un ex-soldat qui m'a raconté un peu, je lui ai montré une photo, il dit je connais ces stockades, j'étais là dedans. Donc, c'était vraiment l'horreur. Mais il y avait beaucoup de solidarité. Donc, il y avait des gens, des étudiants qui allaient aider au coffee house et vice-versa, ou des ex-GI qui venaient parler de leur expérience. Après, aux États-Unis, il y avait tous ces GI qui jettaient les médailles. D'ailleurs, c'est un truc intéressant, je ne sais pas si vous savez ça. Il y avait eu plus ou moins 50 000 GI morts en Vietnam, mais il y a eu 70 000, plus ou moins, qui se sont suicidés après. Donc il y a eu beaucoup plus qui se sont suicidés. Il y a un grand moment à Washington D.C. Ça c'est d'ailleurs c'est aussi un truc affreux parce que le gouvernement fait comme si semblable que c'est le gouvernement qui a payé. Non, c'est les GI même qui sont payés pour ces monuments parce que l'État voulait rien savoir. Donc il y a cette grand mur noir avec plein de noms. Ouais, et tous les noms des. Maintenant depuis qu'ils ont fait ça, ces monuments, ils ont dû protéger ces monuments avec des policiers parce qu'il y a eu trop. Des ex-GI qui y vont, ils voient les noms de leurs copains morts, ils se souviennent de tout ce qui s'est passé, ils se suicident là devant. Donc c'était trop, alors ils chassent les GI de là, c'est eux qui sont payés, pourtant la police les empêche d'aller au monument. Voilà, c'est. Et longtemps, en fait, les GI, les vétérans de la guerre du Vietnam, les autorités, ils avaient la trouille de lui. Parce que quand eux arrivaient, c'était des gens qui ont risqué leur vie plein de fois au Vietnam. Disons, on a risqué la vie pour des conneries, pour des multinationales, mais non, on risque notre vie pour des choses vraies. Et donc, quand eux débarquaient, personne ne pouvait les freiner. D'ailleurs, l'année passée, il y avait cette action, si vous connaissez cette histoire de la North Dakota Access Pipeline, donc un grand pipeline qui passe sur un terrain des indigènes. Donc les indigènes, c'est presque le American Indian Movement recréé de rien. Il y a eu beaucoup de distensions, de conflits. Ils sont tous appelés à soutenir les groupes indigènes qui protestaient contre ce pipeline. Et comme c'est les pionniers de l'armée qui les faisaient, donc c'était un peu, c'était pas un film privé. Et donc, d'abord, il y avait ces campements North Dakota avec le American Indian Movement, ou les indigènes un peu partout. Et eux, ils appelaient les vétérans. Là, bon, c'est plus les vétérans de la guerre du Vietnam, mais non, c'est les vétérans de la guerre d'Afghanistan et d'Irak et d'autres guerres. Irak. Mais c'est aussi des gens qui sont très forts. Ils sont prêts à tout, quoi. Ils n'allaient pas avec leurs armes, là, mais c'est des gens très décidés. Et pour l'État, c'est très difficile quand tu as d'un côté une garde nationale et la police, et de l'autre côté, tu as des ex-soldats, même s'ils ne sont pas armés, c'est très délicat. Donc Obama, à la fin de son présidence, a dit « Ok, on arrête tout parce que ce n'est pas possible, trop de résistance. » C'est pas qu'ils veulent pas, c'est comme l'aéroport, si on va parler après de l'aéroport, c'est parce que la résistance est trop forte, on doit lâcher un peu. Donc Obama a lâché, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Trump? Tout de suite, il a dit « Non, non, non, on y va ». Et donc il a chassé tous avec beaucoup de violence, et voilà, je ne sais pas où ils sont. Il parle, je crois, le moment contenu, mais c'est plus discernement, donc ils prennent aux banques qui financent, mais bon. Mais allez, pour revenir en Allemagne, entre autres. Ah oui, vas-y. Excuse-moi. C'est un peu loin. Mais ce qui est important, je voulais poser une question est importante, c'est que le rôle du Canada a été important dans la guerre du Vietnam parce qu'il y a eu beaucoup d'insoumis à la guerre qui sont partis au Canada. Et entre le Canada et les États-Unis, ça a été un rapport très très dur. Et que, alors, c'était compliqué parce que le Canada fait partie de la couronne britannique. Et les Britanniques étaient assez pour les Américains et tout. Et les Canadiens se sont battus comme des fous, justement pour dire, nous sommes Canadiens, nous respectons les droits de l'homme et les droits humains plutôt. Et ça a été très important. C'est pour ça qu'il y a eu plein d'Américains du Nord, je pense que c'est du Nord, soit bon, il y en avait peut-être du Sud, mais je pense du Nord, qui sont passés au Canada. Il y a eu d'ailleurs, après le vote de Trump, il y a beaucoup de jeunes Américains qui sont partis au Canada. Ils ont dit, on a ras-le-bol. Et ça, c'est une longue histoire, hein, parce que déjà, il y avait ce qu'on appelait la Underground Railroad, quand il y avait la lutte pour l'affrontissement, pour la liberté des esclaves. Et il y avait des routes clandestines. Si on attrapait des esclaves au nord des États-Unis, on les renvoyait au sud. Donc, il y avait une route clandestine pour les accompagner jusqu'au Canada, et là, ils étaient libres. Donc, il y avait ça. Et il y avait, dans la guerre du Vietnam, il y a eu beaucoup qui sont s'échappés. Mais après aussi, moi, j'ai participé personnellement dans les actions en soutien de réfugiés dans El Salvador, de la guerre civile, qui était perpétrée quand même par les États-Unis. Il y a eu, je crois, il y a plus qu'un million de Salvadoriens toujours aux États-Unis. Mais beaucoup sont allés, les cas les plus durs, les répressions, ils sont allés au Canada. Et on avait un programme où là, je travaillais au Texas pour aider à des réfugiés avec les cas très solides de persécution politique. Ils n'auraient jamais eu l'asile aux États-Unis, évidemment, parce que les États-Unis faisaient la guerre justement contre ces gauchistes. Donc, à Canada, ils arrivaient à avoir l'asile politique. Donc, on a préparé avec les avocats les cas pour qu'ils soient acceptés directement par l'ambassade du Canada pour aller au Canada. Donc, ça existe toujours. Mais non, voilà, le dernier cas, c'est Trump, avec les jeunes qui se sont cassés. Et je crois, comme je dis, pour l'Hollande, en Allemagne, je crois aussi, beaucoup de GI, quand c'était trop chaud pour eux, peut-être la police hollandaise ou allemande, avec la police militaire américaine, aurait peut-être rattrapé ces soldats. Donc, ils allaient en Suède. C'est un peu la même chose, je pense. Ça allait s'échapper en Suède, pour là, ils n'avaient plus de persécution. Je crois que ça a bien changé, vu Snowden et cette affaire. Je crois que le Suédois, il ne donne plus de protection maintenant. Non, Suède. Mais en tout cas, revenons un moment, parce que par après, on va encore parler de l'ASAT. Dans tous les sens. En fait, après 68, 69, en fait, ça continue en Allemagne, avec des gens qui n'ont plus aucune confiance dans le changement via les élections. Hein. Notamment, il y avait la grande coalition des social-démocrates et des CDU qui occupait presque toute la place au Parlement allemand. Donc il y a tout un mouvement en fait, qui s'est lancé pour essayer de changer des choses d'une manière à l'extérieur en fait, du parlementarisme. Et puis, il y a eu d'autres mouvements qui sont rentrés dans la clandestinité, sont vus de résistance armée. Tu peux je dirais peut-être, d'abord, il y a eu à cause de cette coalition, et la APO, quand tu dis, ça s'appelait Hausse Parlementaire Opposition, APO. Donc, c'était tout ce qui était hors, ils ne voulaient rien savoir des social-démocrates, vu leur complicité avec le système. Comme c'est toujours maintenant le cas, c'est toujours une grande coalition. Mais à un moment, c'est devenu, c'est Herbert Wehner. Quand même, là, je dois dire, vu le passé avec tous ces fascistes qui étaient dans les gouvernements, Willy Brandt. Herbert Wehner, c'est un autre politicien qui était dans la résistance, mais Willy Brandt était justement en Suède. Et c'est un résistant, donc il avait, même si tu n'es pas hyper progressiste non plus, mais c'était comme social-démocrate, premier gouvernement social-démocrate, 69, seul, sans la CDU, et donc avec un prestige, certain prestige, et celui qui est quand même s'est mis à genoux devant les monuments du pogrom à Varsovie, c'est un geste très fort. Donc il avait une certaine... C'était en 76, non? Je ne sais pas exactement la date. Oui, mais c'est plus tard. Début des années 70, je pense. Donc, d'un côté, le recul, la guerre du Vietnam est finie. Y a un, ça s'est rétréci un peu la lutte 68-69. Et disons, il y a ceux qui sont vraiment s'est lancés très fort, dont je pourrais dire trois grands mouvements clandestins militants en Allemagne. Les cellules rouges, là, c'est plutôt des gens qui travaillaient normalement, mais à part ça, les week-ends, je dis, ils faisaient des actions. Militants, bombaient une banque, je ne sais pas, faisaient des actions. Et clandestins, et il y avait la RAF, bien sûr, que tout le monde connaît, Rotermann-Fraktion, Vader Meinhof, Ulrike Meinhof surtout, et d'autres. Et il y a eu le mouvement de juin. Donc, c'est trois différents mouvements. Mais on pourrait dire, dans ces temps, après la chute du mouvement, bah, les gens reprennent les études, disons, ils vont voir pour voir leur carrière. Et peu à peu, les mouvements se rétrécissent. Mais ces gens qui sont en clandestinité, ils n'ont pas le choix. Ils continuent. Donc, il y a... C'est comme, je crois que c'est Mao qui disait, non, il y a l'eau qui fait que la guérilla peut bouger, mais l'eau se rétrécit. Donc les mouvements, et il y a une tendance que, aussi avec la répression très forte, très très forte, disons en 69 encore, il y a eu des enquêtes où on a enquêté sur les étudiants, si quelqu'un de l'armée rouge fraction sonne chez vous, vous l'accueillez, oui ou non? Il y a une grosse majorité qui dit oui, bien sûr, je l'accueille. Mais après les années 70, ça commence à se diviser. Et donc les groupes militants se trouvent de plus en plus isolés. Et finalement, il y a 77 où il y a eu plusieurs. On a 76, on a tué Ulrike Meinhof. Bon, moi, je l'ai dit, on l'a tué. Ça, je ne sais pas si c'est punissable en Allemagne de dire ça, mais en gros, on disait, oui, il a fait suicide en prison. Déjà, c'est... Bon, c'est une histoire très contestable. Et un an après, 77, il y a eu une condamnation, je crois, il y a eu une action armée qui a mal tourné. Par l'État ne voulait plus jamais... maintenant, je n'ai plus en tête exactement les actions. Une prise d'otage, je crois, c'était, ou je ne sais plus, c'était Buback, ou c'était qui, ou Schleyer, je crois. C'est Hans-Martin Schleyer, c'était un grand fasciste qui aurait dû être normalement, été condamné à mort en Tchéquie pour les meurtres, l'assassinat qu'il a fait pendant les fascismes. C'était un très grand fasciste, mais lui était chef de, comment ça s'appelle, la chambre de commerce, une grande structure d'Allemagne de l'Ouest. Et la RAF l'a pris en otage. Il voulait la libération de plusieurs prisonniers. L'État, il faut que je revienne sur une autre action. Une fois, l'État a lâché 6 prisonniers pour une action. Et donc, le mouvement de juin a lâché un politicien de Berlin-Ouest. Je racontais ça après parce que c'est vraiment une histoire extraordinaire. Oui, c'est compliqué, mais bon. Enfin bref, ce que je veux dire, il y a un seul cas où on a libéré 6 prisonniers et en échange, M. Lorenz, politicien, a été libéré. Là, avec quelques années plus tard, avec 2 ans plus tard, 77, avec Schleyer, l'État a dit non, on fait rien. Pire encore, ils ont réussi à arrêter plusieurs membres de la RAF et ils ont, moi je dirais, voilà, ils les ont tués en prison au même moment. Donc là, c'était la guerre totale entre l'État et l'armée rouge fraction et alors Schleyer l'ont tué. Ils l'ont tué. Après, c'était la traque totale. Ça n'a pas été une perte, quand même. Ce n'était pas une perte, mais évidemment, imaginez-vous l'ambiance. Moi, ça ne me dérange pas du tout, parce que Hans-Martin Schleyer, c'était vraiment un sale con. Ben oui, absolument. Vraiment un sale con, quoi. Oui, mais le problème, c'est que ça, après, dans les médias, évidemment, on a portrait comme il y a, des terroristes partout. Nous, à l'école, moi, j'étais à l'école à l'époque, hein, on jouait Bader-Meinhof, on voyait toi, les terroristes derrière chaque coin, et bah, la bourgeoisie croyait qu'ils sont en train de détruire l'État, et il y avait des contrôles partout, avec des policiers, avec des mitraillettes pointées sur le conducteur de voiture. Hein. Je me souviens, j'étais gosse et mon père était arrêté. Il y avait un policier qui pointait sa mitraillette contre mon père, qui était un bourgeois normal. Donc, pour vous montrer, ouais, mais... il y avait une espèce d'état de siège, presque en 77. Et à ce moment, vraiment, on parle des années des plombs pour le 77. Mais en France, on a fait la même chose pendant la guerre d'Algérie. Ouais. Moi, je me souviens que j'étais môme, quoi. Ouais. Et comment ça s'appelle ? Il y a un flic qui m'a mis une mitraillette sur le ventre, levant les mains sur la tête. Ouais, ouais. C'est un peu traumatisant quand t'as 14 ans. Ouais. Mais je crois, je ne sais pas comment ça se vivait, disons, en Paris ou en France, mais je crois que beaucoup des gens en Allemagne, malheureusement, ils avaient les réflexes plutôt, bon, s'ils font ça, c'est nécessaire, donc on est tous menacés. Donc, évidemment, les gens un peu plus conscients, ils savaient bien, c'est n'importe quoi. Mais beaucoup de gens, je crois, ils se sont laissés impressionner. Oui, ou alors, c'était dangereux, il faut qu'on les abatte. C'est le problème. Il y a des gens qui manifestaient pour la peine de mort. Ils disaient, oui, il faut abattre tous ces méchants gauchistes terroristes. Donc, il y a eu une campagne. Non, mais c'est le discours de l'État. L'État, il fait toujours... les États, ils font toujours un discours, populiste, dire « Oui, c'est des terroristes. » Mais en fait, le terroriste, c'est aussi... Le terroriste peut être aussi d'État. Parce que ça existe, le terroriste d'État. Mais je crois que tous les gens conscients savaient bien que... C'est que les gens importants qui étaient visés par la RAF. Bon, c'est vrai, ça c'est peut-être une critique plutôt de la gauche. Il y a eu des actions. Les pires, je dirais, il y a eu une action à l'aéroport militaire américain à Francfort, où l'armée rouge faction, ils ont tué un jeune soldat américain, un simple soldat, juste pour avoir sa carte pour rentrer dans la base pour faire l'action. Donc ça, c'est un des trucs impermissibles pour quelqu'un conscient des gauches. Donc il y a eu beaucoup de critiques contre la RAF parce qu'ils ont aussi tué des gardes des corps, des gens qui sont rien foutre si on cible des gens, oui, Schleyer et des gens comme ça. Ok, c'est une chose, mais tout le monde comprend ça, disons, la population en grande partie comprend ça très bien. Mais si on cible un petit conducteur, un garde des corps et des gens comme ça, ça les gens ils comprennent pas, et c'est, je pense, c'est intolérable. Et donc c'est ça les différences. Si c'est intolérable. Si, je trouve. Non. Je pense que c'est pas forcément intolérable. C'est une action politique où il y a des choses qui se passent mal. Et comment s'appelle les collateral damage. Les États, ils font la même chose. Oui, mais nous ne sommes pas l'État. Nous pour sommes commencer. Pas l'État. Et pour moi, l'objectif ne justifie pas les moyens. Oui, donc, d'accord. Tuer un petit soldat pour avoir son badge, c'est ça. Pour aller plus loin, ça c'est vraiment viser un petit soldat pour le tuer pour avoir son badge. C'est pas un accident. Comme contraste, la dernière grosse action, disons, de l'armée rouge faction, après qu'ils se sont dissolus, je crois, début des années 90, ils ont fait voler une énorme prison au sud de Francfort, près de Darmstadt, Weiterstadt. Ils ont pratiquement complètement détruit cette prison, qui d'ailleurs devait être utilisée comme prison pour les sans-papiers aussi, pour les déporter à l'aéroport de Francfort. Et donc c'était une action vraiment bien pensée, mais surtout, il y avait des gardiens là-dedans. Ils ont pris ces gardiens, c'est dur de le faire, hein, les désarmer, ils étaient armés, les désarmer, les baïonner, les mettre loin de l'attaque, dans la forêt, pour que rien leur arrive. Et après, ils ont volé la prison, seulement après. Donc, eux, ils étaient sains et saufs. Il n'y avait que du dommage du bâtiment, les bâtiments étaient complètement détruits. Et là, tout le monde a applaudi ça, parce que, bien sûr, ils ont fait un effort énorme pour protéger ces gardiens, qui, bon, c'est bêtes gardiens. Et donc, je trouve ça tout à fait différent, tu vois, mais comme action, c'est tout à fait éthique. C'est quoi. Différent, mais ça dépend le contexte de choses. Oui, si tu fais une action armée, tu vois, et je vais expliquer, je n'approuve pas et je ne dis rien là-dessus, c'est que si tu fais une, comment ça s'appelle, une action de, comment ça s'appelle, militariste avec des armes ou des tout, si tu as une personne qui te gêne pour accomplir ta, comment ça s'appelle, ta mission, bon, effectivement, tu le flingues. Moi, je pour moi, c'est pas très anarchiste, je trouve, franchement. Pour moi, non, mais, l'objectif ne justifie pas les moyens. Non, c'est pas anarchiste, mais c'est dans c'est l'action, quoi, tu peux, comment ça s'appelle, avoir... On appelle ça des dommages collatéraux. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Et ça se justifie partout maintenant. C'est vrai, tout le monde. Ça ne justifie pas, mais j'explique. Je n'ai pas dit que j'étais pour ou contre. Je dis, dans l'action, quand tu es dans une action révolutionnaire ou tout, où tu as une personne qui te gêne pour faire ton action après, c'est ça le problème. Et si en Belgique, les gens qui ont fait de la résistance armée... Enfin, je parle maintenant des années 80, tu vois, disons nos chers terroristes à nous, hein, il y a eu un accident à un moment, un vrai accident, puisque la police n'avait pas pris ses responsabilités, les pompiers qui ont été victimes, qui sont morts, mais les gens ont toujours pris soin d'éviter les victimes collatéraux, soi-disant, tu vois, parce que le but n'était pas du tout de tuer un flic ou un pompier ou un ci ou un ça. C'était des attaques plutôt... voilà. Bon, c'est une autre discussion, hein, mais je veux dire que c'est... Je trouve que c'est très important d'éviter ça. Non, mais je vais te répondre. Parce qu'en fait, il faut le nommer comme c'est les CCC. En fait, ils se sont fait piéger la gueule par la police parce que les CCC avaient mis une bombe et avaient téléphoné, que je sache, hein. Peut-être que je me trompe. Comment ? Aux gendarmes. Ils avaient téléphoné à la police. Et à l'époque, c'était Jean Gol, qui était ministre de je ne sais pas quoi. Je pense que ça a servi vraiment le pouvoir. Et les gens ont dit, attendez. Et la bombe a explosé. En fait, les CCC se sont fait piéger la gueule, tu vois. Je n'ose pas, c'est ma théorie, mais elle n'est peut-être pas la bonne. Je ne veux pas m'exprimer là-dessus, puisque je n'ai pas les bonnes informations ici sur moi, et je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, mais continuons plutôt. Ouais. Donc en fait, il y a les groupes militants qui deviennent de plus en plus isolés avec le temps. Oui, disons, on parlait de recul, hein, 77, l'année des plombs, comme on le disait... une persécution affreuse contre tout ce qui est de gauche. Et il y a eu une grosse conférence à Berlin où on a appelé tous les restes du mouvement à penser quoi faire. Donc ça a donné un peu, disons, début des années 80, le mouvement qu'on appelle autonome, de Autonomia Operaia Italienne, où l'Allemagne a très fort, la gauche allemande a très fort adopté cette idée d'autonomie. Et donc, il y a eu tous ces mouvements qui ont été créés, qui ça continue. Le mouvement des femmes, à l'époque encore, les gays et lesbiennes, on disait que c'était des gauches, maintenant je ne sais plus. Mais à l'époque, surtout les mouvements antinucléaires, évidemment, les mouvements pacifistes des années 80. Donc, il y a eu, disons, les années 80, énormément de mouvements en parallèle, disons, des fois, qui s'est croisé. Et bon, maintenant, disons, 20 ans, 30 ans plus tard... Bon, qu'est-ce qu'on reste peut-être, je ne sais pas, c'est beaucoup plus marginal. Bon, il y a quand même des mouvements toujours contestataires, anti-nucléaires. Il y a les mouvements, comme vous savez peut-être, ces mouvements contre l'exploitation du charbon près de Berlin, comme entre Aachen et Cologne. Il y a des grosses actions. Au niveau écologie radicale, disons, il y a toujours des actions. Il y a toujours Gorleben aussi, là où ils veulent enfouir le déchet nucléaire. Donc il reste des choses, mais bon, c'est plus le même contexte, évidemment, que les années 70, 80. Je pense, on fait peut-être une petite transition musicale, parce qu'on va peut-être discuter encore 5 minutes ou 10 minutes de la ZAD. Ouais. Ça va? Ok. Ça va. Tiens, tu meurs coup mouille. Donc, ce sont des débats passionnants. J'aimerais bien d'un jour revenir sur l'idée de la résistance armée, dans quelles conditions est-ce que c'est justifié ou pas, ou pourquoi. C'est très intéressant, mais il faut s'organiser pour, je pense. Mm. Ceci dit, tu as été à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ouais. Et là, c'est aussi la résistance légitime pour des gens qui vivent là. En fait, il faut que j'explique un peu le contexte. Donc, il y a Nantes, une ville coloniale qui s'est largement enrichie avec l'Haïti. Donc, toujours une ville bien bourgeoise. Et donc, je crois, les années 60, par là, ils avaient le projet farfelu que les gens aillent de Paris et d'ailleurs à Nantes pour là prendre les Concordes. Et le Concorde démarre tout de suite en vitesse subsonique sur l'Atlantique. C'était l'idée. Bon, après, c'était n'importe quoi. Ils l'ont laissé tomber. Donc, l'aéroport, l'ancien aéroport de Nantes allait très bien. Et même aujourd'hui, les estimations, tout le monde disait, même les pilotes disaient, c'est n'importe quoi, refaire un deuxième aéroport, ça ne sert à rien. Et en fait, il paraît, ce qui est derrière, c'est une spéculation sur les terrains. Parce que si on met un aéroport très loin dans un terrain, hein, là où ils voulaient faire ce nouveau aéroport, c'est des terrains marécageux, pas très intéressants, il y a peu de gens. Ça coûte pas cher. Oui, ça coûte pas cher. Et surtout, tu libères l'ancien aéroport. C'est le même intérêt comme à Stuttgart, par exemple, et à d'autres projets, où tu libères un terrain en centre-ville, et ça vaut de l'or, évidemment. Ça vaut des millions, des milliards. Donc, on aurait pu faire tout un nouveau quartier. Alors, plein de gens de la bourgeoisie nantes seraient enrichis avec les terrains sur leur ancien aéroport. Je crois que c'est ça qui est derrière, en fait. Ce qu'ils ne disaient pas, évidemment. Ils disaient, non, non, il faut cet aéroport. Et 2000, après, ils ont recommencé à sortir ces projets. Oui, il faut les faire, il faut les faire. Donc, je ne sais pas exactement quand ça a commencé. Ça fait 5-6 ans. Et peu à peu, les gens commençaient à s'installer sur ce qu'on appelait la 7AD, donc zone... À défendre, mais à la base, oui, ça, c'était un autre terme officiel, c'était zone à détruire peut-être, ou zone, je ne sais pas, mais les gens, ils ont pris les mots, ils ont contourné, ils ont dit, et c'est la zone à défendre, donc la SAD. Donc c'est bizarre, ils s'appellent les sadistes, pas parce qu'ils sont sadistes, mais parce qu'ils vivent sur la SAD, voilà, sur cette zone à défendre. Donc c'est une zone de... Oh, c'est bon, c'est un gros terrain pour un aéroport, donc c'est en fait... C'est une bonne centaine d'hectares, je pense. Oui, ouais, voilà, c'est assez grand, assez extendu, d'est à ouest, je dirais 15 km de distance. Et bon, ça c'est déjà un des problèmes parce que tu as plein de gens très différents. D'abord, il y a les paysans qui vivaient là. Certaines étaient, c'est Vinci, une compagnie privée, ouais, qui a acheté une bonne partie des terrains qu'il voulait construire. Donc Vinci a payé ces paysans qui sont partis. Et il y a 4 paysans qui sont résistés. Non, nous, on ne vend pas, nous, on ne vend pas. Donc c'est un peu comme les Larsac, c'est une lutte historique aussi, des paysans qui ont été, qui disaient non, on ne bouge pas, on veut rester ici, on ne laisse pas acheter. Et donc peu à peu, les gens sont venus, il y a eu plein d'actions, plein de mouvementations. Peu à peu, les gens, ils ont construit des cabanes un peu partout. Et déjà 2012, il y a eu un essai vraiment à la militaire, avec énormément de quantités des gaz, des bombes qui sont interdits partout ailleurs, des grenades qui peuvent tuer. Il y a eu un jeune, comment il s'appelle, Rémi Fraise, qui était tué par une de ces grenades. Ces grenades, en fait, la police les peut normalement seulement utiliser quand ils sont en danger. Ça s'appelle des grenades à désencerclement. Oui. Mais l'utilise à n'importe quel moment, en fait. Alors, c'était mensonge, il l'utilise comme il ne faudrait pas. Il était déjà utilisé ses grenades, c'est grave. Donc, il a eu beaucoup utilisé ça en 2012, mais c'était un échec total, cette opération en 2012. Et donc, la résistance était trop forte. Et voilà, qu'est-ce qu'il a décidé Macron, il a dit, bon, on va... Les actions, en fait, c'était toujours, on disait toujours... On ne veut pas de cet aéroport et son monde. Donc l'aéroport, janvier, il a déclaré un peu, c'est une surprise un peu, ok, on laisse tomber l'aéroport parce que de toute façon, ce n'était pas nécessaire. Donc voilà, c'était juste une spéculation du terrain, probablement, ce qui était derrière. Donc on lâche ça, mais on va veiller que l'état des droits va être rétabli sur ces terrains. Pas de zone de non-droit. Pas des sons des non-droits, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé les gens à se décollectiviser complètement en disant chacun doit introduire un projet. Et alors, il y a que des gens de l'extérieur, de la Chambre de la Culture, des organisations officielles, qui doivent veiller sur. Bon, estimer si ces projets, eh bien, ou non. Si ça rentre dans, disons, le système capitaliste, si des gens, il y a un boulanger qui va faire du pain, est-ce que ça a débouché sur le marché ou non? Ils s'en foutent si ça marche à l'intérieur. En fait, c'est un espace actuellement qui est très fort solidaire. Il y a quand même des conflits, ça faut le dire. L'État en profite. Mais c'est fort solidaire. Il y a des gens, c'est très marginal aussi, qui vivent là. Et ça marche, quoi. C'est une zone, c'est comme un grand village, très extendu. Et avec cette politique, ils veulent en fait détruire ce qu'il y a comme espace collectif. Je vous donne un exemple pourquoi c'est important cet espace. Je parlais avec des gens en soutien qui me disaient, voilà, ça fait 2 ans, les sadistes, donc ceux de la SAD, ils ont fait contact avec les CGT à Nantes. Il y a eu une grève de la poste, dans une petite poste à Nantes. Et après 10 jours, c'est un peu déprimé. Est-ce qu'on va continuer la grève ou non? Tout d'un coup, ça ramène un groupe de sadistes avec un tracteur remorque, avec la bouffe la plus incroyable, des litres de café, un petit déjeuner super en soutien de la grève. Donc les grévistes, ils pleuraient, vraiment, ils pleuraient tellement ils étaient émus parce que leur propre syndicat ne les soutenait pas tellement. Et donc après, tous les jours, les sadistes sont pleins de bouffe, de bonne qualité. Je n'ai jamais bouffé si bien que sur la SAD, là, les 3 jours. Donc, la bouffe, il n'y a pas de problème. Et donc, ils ont aidé aux grévistes depuis là, depuis 2 ans. Donc, il y a un lien très, très fort, très solidaire. Depuis 2 ans, les luttes en Nantes, ce sont, ils ont explosé. Ils disaient, la CGT, maintenant, le double de la force. Avant, plein de jeunes sont rejoints les luttes. Et donc, c'est grâce à la SAD, grâce à cet espace énorme avec des gens très, très, qui encouragent les luttes. Donc, c'est ça qui gêne, en fait. C'est ça, c'est cet espace où il y a beaucoup d'anarchistes, aussi des paysans tout à fait classiques. Hein. C'est 4 paysans qui ont résisté. Je ne veux pas dire qu'ils sont dans les bio, qu'ils sont... ils ont quand même été consentissés, mais... Et il y a quand même des intérêts divergents. Eux, ils veulent juste continuer à faire la culture, un peu avec peut-être des idées un peu différentes. Mais après, il y a des jeunes qui ont parlé d'une distinction entre Est et Ouest, et cette langue extendue. Et donc, l'Est, c'est des jeunes très jeunes qui plutôt disaient on ne veut rien savoir de la culture moderne, on veut juste que c'est comme une réserve naturelle, comme depuis 40 ans. Il n'y a presque aucune intervention. Hein. Beaucoup de paysans sont partis, on a payé, donc les terrains restent vides. J'ai jamais vu autant d'oiseaux. Il y a des oiseaux partout, tous les temps. Il y a des animaux que tu vois plus nulle part. C'est comme une énorme réserve naturelle. Donc ces jeunes disaient, non, on ne veut pas exploiter. On veut juste que ça reste comme ça, un son naturel. On vit avec les moindres impacts, on ramasse tout. Ils étaient des gens très jeunes, mais hyper conscientisés. Et donc, ils n'étaient pas d'accord d'introduire des projets. Ils disaient, les fichiers. Parce qu'il fallait faire les fichiers pour négocier avec l'État. Et finalement, ceux qui ont quand même introduit les fichiers, l'État, je crois, il a donné 3 jours pour qu'ils signent après. La date... Ils avaient trois jours pour présenter le projet. Oui, ils devaient présenter le projet. 3 jours après, ils ont dit, OK, ça, c'est approuvé. Maintenant, vous devez signer. Mais très, très vite, si tu veux construire un grand projet, tu dois... C'est un projet de vie. Et tu ne peux pas signer ça en 3 jours. C'est n'importe quoi. Alors, tous ceux qui avaient les dossiers acceptés, en fait, disaient non, on refuse. On refuse dans ces conditions-là. On ne va pas signer un truc avec le pistolet sur la tête parce qu'ils menaçaient. Si vous ne faites pas un dossier, on vous dégage avec la force militaire. Hein. C'est vraiment une force militaire. Hein. Donc, voilà, ils ont dit, non, on attaque prochainement. Effectivement, il y avait un appel, donc je suis allé avec un ami, on est allé là-bas, sur ce terrain. Et c'est vraiment, on avait des cartes, une fois que tu passes la frontière, tu n'es plus en France. C'est notre monde, c'est très fort. D'un côté, tu as cette espèce naturelle, tu dis, oui, tout est hyper pacifique, tout est gentil, mais après, tu as quand même des drones, des hélicoptères qui passent. Et c'est très contradictoire parce qu'à la fois c'est très tranquille, à la fois c'est très menaçant. Et ben, les jeudis passés, ils ont passé à l'attaque. J'étais réveillé 5h10 par l'hélicoptère qui arrivait. Donc on a paniqué complètement. Bon, on a voyé les chars arriver. Mais en fait, ce n'était pas les chars qui arrivaient chez nous. Il y avait des chars ailleurs. Ils ont fait une opération des 3 côtés vers un grand forêt au centre où ils ont attaqué en fait plusieurs petites cabanes de petits jeunes. Et c'est justement ces jeunes-là qui ont fait que l'aéroport va jamais se construire. C'est justement ces gens-là qu'ils ont attaqué. Ce qui est dégueulasse, hein. Mais les problèmes, évidemment, beaucoup de gens disent bon, il n'y a plus d'aéroport, pourquoi maintenant lutter? Bon, c'est un peu fini. Et l'État fait toujours diviser, régner, en disant bon, il y a moins de solidarité qu'avant. Disons, 2012, c'était beaucoup plus fort, le mouvement. En avril, déjà, c'était moins fort. Il y a eu une première attaque, je vous rappelle, peut-être en avril, ça fait un mois. Oui, on en a parlé. Ils ont déjà détruit, je crois, une vingtaine de cabanes, et là, ils ont encore détruit, finalement, je crois, 13 cabanes, plus ou moins. Après, ils ont menti sur leur objectif. Bon, ils ont fait nous brouiller un peu les gens. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de barricades un peu partout. Vu les expériences dans les passés, il y avait des grosses barricades avec des vieux tracteurs. Même une barricade, on pourrait dire que c'était presque poétique, une barricade avec un bateau sur la barricade. On aurait vu. Bon, il ne fallait pas prendre des photos parce que c'est un problème délicat pour les gens. Mais il y a une répression féroce, donc il faut faire attention. Mais c'était presque poétique, toutes ces barricades et les fossés qui sont creusés à la main, quoi, avec rien. En fait, c'est un peu triste parce que militairement, tu peux rien faire. Tu peux juste empêcher qu'ils arrivent moins vite. Mais avec presque 2000 gendarmes, avec des chars, ils poussaient une fois la barricade, boum, il n'y a plus de barricade. Ils comblaient les fossés très, très vite. Donc, là, tout empêche peut-être un peu, mais finalement, ça se joue plutôt sur la solidarité. Mais bon, ce week-end, je ne sais pas, il y avait cette idée, on reconstruit ces maisons détruites. Et j'écoutais que dans les luttes, bon, je crois que ça ne s'est pas trop fait parce qu'il y a toujours une répression féroce. Ils tirent énormément de grenades. Il y a eu un mec qui a perdu sa main avec une explosion d'une de ses grenades. Donc c'est quand même assez sérieux. Ouais. Voilà, je vais parler beaucoup, mais vous avez... Oui, mais c'était intéressant de voir tout ça. Ça va devenir quoi si jamais il n'y a plus personne dans ce truc de la ZAD? Mais je crois que ce que l'État veut, c'est la désolidarisation totale, que ça revienne à un monde normal, agriculture industrielle, on sait très bien en France, ça meurt, comme partout en Europe, ça meurt, la paysannerie, les gens sont complètement isolés et abattus. Donc ils ne veulent pas cette solidarité, ils ne veulent pas l'alternative, ce qui est triste, ça pourrait être un espace comme le Larzac expérimental. Je crois qu'il y restera sûrement. C'est trop grand. Je crois que l'État ne peut pas tout détruire. Ce n'est pas possible. Ça coûte très, très cher, c'est leur intervention. Ils sont foutus. Mais ils peuvent quand même détruire une certaine... Ils vont abattre cette énergie qu'il y en a eu, je pense. C'est vrai qu'il y a des jeunes... Si tu vois plein de gens, il y a eu, je crois, en avril, 300 blessés, hein, 300 jeunes blessés. J'ai vu des gens avec la main brûlée, des trucs affreux. Et ils ont utilisé pas seulement cette grenade des 500 Clément, il y a une grenade qui dégage un gaz, c'est pas le CS, un autre gaz, c'est jaune. Il te vomit du sang, 3 jours au moins. Donc c'est vraiment, t'es malade, vraiment gravement. Donc c'est des choses. C'est une arme chimique. Oui. Ah, donc si tu vis sur cette tension tous les temps, t'as tous les temps. Des drones sur toi, même si en outre c'est quand même très beau, à un moment les gens ne peuvent plus, donc certaines choses elles sont cassées, quoi. Et donc je sais pas très bien les futurs. C'est sûr que les paysans qui sont là vont rester là, il y a d'autres gens projets qui vont rester là, mais est-ce que ça va être la même SAD comme elle est maintenant? Je crois pas, ça, mais ça reste à voir. C'est une spéculation, mais moi je pense que les conséquences de cette opération militaire, enfin cette occupation militaire, en gros, il s'agit de ça, c'est une occupation militaire. Il faudra voir dans quelques années, mais je pense que l'impact sera énorme. Parce que même s'ils savent écraser la ZAD, s'ils seront capables de le faire, en fait, il y a des centaines ou des milliers de gens qui sont passés par des expériences énormes. Ouais. Et du coup, ça va contaminer énormément d'autres luttes, en écrasant en fait une lutte, il risque en fait de faire vivre plein d'autres luttes, je pense. Mais est-ce que est-ce que, comment ça s'appelle, est-ce qu'il y avait beaucoup d'étrangers Bon, je pense qu'il y avait des Français, mais il y avait quand même des gens qui venaient d'autres, par exemple des Allemands, des Suisses, des Hollandais, des Anglais et tout. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même ceux qui vivent là, c'est surtout des francophones, mais ça peut, c'est aussi des Belges ou des Suisses, mais c'est très fort francophone quand même. On n'a jamais eu de traduction. Mais là, pour les actions, quand même, j'ai vu des Américains, des Allemands, d'autres pays, mais c'est peut-être plutôt pour les actions de défense, parce que quand même, il y a eu des courriers de partout dans le monde, même les plus fous. Gaza, il y a plus que 60 morts, et les gens de Gaza, ils ont envoyé un message de solidarité pour l'Assad. C'est quand même incroyable. Ouais. Ils sont dans une autre lutte beaucoup plus meurtrière, mais quand même, ils ont envoyé un message de solidarité. Il y a eu un message de Chiapas, il y a eu un message de Oslo et de plein d'autres pays, donc c'est vrai quand même, ils sont bien ancrés dans plein d'autres projets, des résistances un peu similaires. Et il y a des jeunes qui viennent, mais je crois que c'est quand même plutôt francophone, les gens là. J'ai parlé par exemple avec une jeune, elle a fait une fugue, je crois de Paris, je ne sais pas, une Française, à 15 ans. Donc il y a des jeunes qui sont des fois recherchés, qui sont allés là. Les parents les savaient, mais bon, ils ont dit, ok, bon, on laisse faire. Et le plus drôle, c'est elle qui a raconté ça. Elle disait, mon père est venu, il a dit, dis pas ça à ta mère, mais moi, je comprends, c'est génial ici. Mais je te comprends tout à fait que tu as fait ça. Donc, elle a vécu plus ou moins 5 ans là, sur l'Assad. Bon, pas tous les temps, mais plus ou moins presque 5 ans. Et les hivers, il faut le dire, c'est très très rude, hein. C'est très humide, c'est la boue partout, c'est quand même assez plat et c'est une marée. Ils sont souvent rien à chauffer. Bon, il y a la bouffe, mais c'est la guerre du chauffer, Vietnam. C'est pas facile, oui. Tu vis dans la boue, ouais. Donc c'est pas facile. En hiver surtout. Non, mais non, ça va. S'il n'y a pas trop de gaz, ça c'est notre problème d'ailleurs. C'est ces gaz. Même les paysans, ils disaient, bah, presque, il faudrait mettre des masques à gaz pour les vaches, quoi. Parce que les oiseaux, les vaches, pas seulement les humains, aussi la nature est très fort impactée par les gaz. Et la police, ils s'en foutent. Ils ont laissé des tonnes de grenades, là. Même, ils ont fait un pique-nique. Ça, c'était marrant, toi. Et là, les gens qui vivent là, se nourrissent très, très bien, de manière très consciente. Qu'est-ce que la police fait? 2000 policiers doivent bouffer. Donc, le midi, ils ont fait leur pause avec un burger, machin. Et toute la grâce, ils l'ont laissé là. Aucun respect hein, pour la zone. Ils l'ont laissé là. Et les gens, ils disaient, oui, ils ne mangent pas, même pas les pommes. Alors, les gens de la zone, ils ont repris de la poubelle les pommes que les policiers n'ont pas mangées. Ils ont quand ces policiers ne mangent pas, même pas des choses mais de qualité. Le pain des hamburgers, ils l'ont mis en... Les pains des hamburgers, ils l'ont mis en comment s'appelle en ah oh, j'arrive pas à trouver le mot. Ça, je sais pas. Ah bon, tant pis. OK. Voilà. Ben, merci Léo. Oui, merci d'être venu. Ouais, on dépasse un peu nos horaires, c'est pas grave. Est-ce qu'on fait un tout petit agenda ou pas? Ben, je pense que il y a un rassemblement en cours à la place Poulard. Je ne sais pas où ils en sont maintenant. Ben, ça a commencé à 22h. Alors, oui, 22h. Là, on est à 22h33. Ouais. Une veillée pour... Oui, une veillée au flambeau suite au rassemblement qui a eu lieu pour la petite Maouda qui a été assassinée par un policier. Ouais. Et donc, il y a eu tout un rassemblement à 18h avec des prises de parole. Et là, ce soir, il y a une veillée au flambeau pour commémorer cette personne, cette jeune femme, cette jeune fille. Ouais. Et je pense que ça va continuer. J'espère, au moins, il y a certaines qui parlent, il faut qu'on fasse démissionner. Moi, je dis toujours Frankenstein. Moi, je ne s'appelle pas Frankenstein, mais presque. Mais je ne sais pas. Et... Tiens, tu me passes la bouteille, là. Oh, Axel. Ah, on est en... Alors, un appel quand même pour faire démissionner Jambon et Théo Franken. Mais il faudrait beaucoup plus de force. Là, je pense, 18 heures, il y avait 2000 personnes, peut-être. C'est quand même beaucoup de monde. Après, il y avait la trash et les gens ont pris la fuite. Donc, j'espère, maintenant, 10, 20 heures, il y aura une masse de gens. Voilà.